l'impression de voir la lune. Tourmenté, je ne peux plus dormir. J'ai besoin de m'évader face à la misère. Le jeune homme que je suis s'est pas vu grandir. Chicha ballon, oui. Un peu d'alcool, ecstasy, j'fonçais dans la ligne. Chicha ballon, oui. Aussi mon oui. Un peu d'alcool, ecstasy, j'fonçais dans la ligne. J'fonçais dans la ligne. De grosses folles dans la berline. Bah oui, des fautes permis. Elles finiront peut-être dans mon lit. Bah oui, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Retard de loyer, la boîte aux lettres, criblée de dettes, je me nique la santé. Et j'ai des ennuis, hier j'étais innocent. Papa tape maman et on dit que je lui ressemble. On verra avec le temps. Une autre flashette, demain j'arrête. J'ai une gâchette, et la vie s'arrête. Une autre flashette, demain j'arrête. J'ai une gâchette, et la vie s'arrête. Y'a que mon cœur qui saigne, des fois j'implore le ciel, il m'entend pas. Ticket pour une autre sphère, j'me balade sans repère, j'finirai par m'y perdre. J'ai comme l'impression de voir la lune. Tourmenté, je ne peux plus dormir. J'ai besoin de m'évader face à la misère. Le jeune homme que je suis s'est pas vu grandir. Chicha ballon, oui. Un peu d'alcool, ecstasy, j'fonçais dans la ligne. Chicha ballon, oui. Aussi mon oui. Un peu d'alcool, ecstasy, j'fonçais dans la ligne. 180 à l'heure, putain, je me suis fait flasher. Mon binôme tient la bonbonne, il est côté passager. Il connaît toutes mes peines, paroles d'amis. Et quand je suis avec lui, je suis prêt à débattre toute la nuit. Qui a le plus gros boule du quartier? CR7 n'est pas plus fort que Léo Messi. Mon tape de vos conseils, j'ai pas que ça à faire, il faut que je finisse ma tête. Tout est fluide dans les veines, vodka et du tac. Les yeux brillent, grosses pupilles, ça me met des claques. Tout est fluide dans les veines, vodka et du tac. Les yeux brillent, grosses pupilles, ça me met des claques. Des fois j'implore le ciel, il m'entend pas. Ticket pour une autre sphère, j'me balade sans repère, j'finirai par m'y perdre. J'ai comme l'impression de voir la lune. Tourmenté, je ne peux plus dormir. J'ai besoin de m'évader face à la misère. Le jeune homme que je suis s'est pas vu grandir. Chicha ballon, oui. Un peu d'alcool, ecstasy, j'fonçais dans la ligne. Chicha ballon, oui. Aussi mon oui. Un peu d'alcool, ecstasy, j'fonçais dans la ligne.